On va parler de hockey avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, évidemment, toute la planète hockey est sous choc depuis hier, depuis l'entrevue de Kyle Beach au réseau TSN, où qui a mentionné que le juge vidéo des Blackhawks l'a agressé en 2010. Toi, tu étais dans une chambre de hockey. C'est sûr qu'on vit plus en 2000. On est en 2021, c'est un autre monde, mais c'est un monde de machos, le hockey, hein? Ben écoute, le sport en général, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas entre les quatre murs là, d'un vestiaire qui se passe, que peut-être qu'on serait surpris. Hein. C'est sûr que, écoute, moi j'ai joué dans les années 80-90, c'est sûr que ça a beaucoup évolué. Malheureusement, à cette époque-là, l'intimidation était au rendez-vous, les menaces, on devait vivre avec... Une constante pression de ce côté-là. Heureusement qu'aujourd'hui, ça a évolué. On dénonce beaucoup plus. Et puis, écoute, peu importe l'époque, c'est sûr que c'est inacceptable. Et je crois que la Ligue nationale et les Blackhawks de Chicago là, sont conscients de cette... Qu'est-ce qui va arriver, écoute? Qu'est-ce qui va arriver d'après toi? C'est sûr que Joel Quenneville, ça s'est fait durant la finale de la Coupe Stanley. Tu sais comment, à quelque part, tu sais que probablement que lui voulait pas être dérangé par ça. Mais le meilleur commentaire que j'ai vu, c'est Gilbert Delorme. Un juge, tu sais, un entraîneur des vidéos, c'est pas comme un entraîneur des gardiens de but, c'est pas comme un entraîneur de trou. À quelque part, là. C'est facile à trouver un entraîneur des vidéos, là. Toi, tu dis qu'il aurait dû avoir une réaction Oui, immédiate. Je effectivement. pense que oui. Je pense que peu importe le poste que tu occupes, ça donne pas le droit. Le pouvoir ne donne pas plus de droits, là. Par contre, moi, où est-ce que. Puis là, je défends pas Kenville loin de là, là. Mais lui, dans une situation comme ça, là, il y a des gens au-dessus de lui qui ont manqué à l'appel, là. T'sais, lui, là, comme il a dit, peut-être que oui, il aurait dû réagir, mais lui, il est dans une préparation pour les finales de la Coupe Stanley. Lui, il se dit ça, là, oui, c'est un sujet pour tout le monde, mais il y a des gens au-dessus de moi, mes boss, c'est eux autres qu'il faut qu'ils réagissent tout de suite, qu'ils prennent le dossier en main, qu'ils règlent cette affaire-là. Moi, j'essaie de diriger une équipe de hockey, j'essaie d'aller le plus loin possible. Je veux mettre mes énergies là-dessus. Oui, ça aurait dû être dénoncé. Mais si tu te rends jusqu'à Joel Quenneville, j'espère que tu vas te rendre à tous ses supérieurs avant lui qui doivent payer la note. Là. Il ne doit pas être le premier gars qui va être. Ben Sam Bowman a déjà payé. Oui. Oh oui, mais hey, il y en a d'autres là-dedans. Là, tu pars du propriétaire, tu passes au président, tu passes au directeur gérant, tu passes à plusieurs personnes au-dessus qui auraient dû réagir avant. Mais comme je t'ai dit, ça l'excuse pas non plus Quenneville qui a peut-être fermé les yeux. T'sais, on ne sait pas toute l'histoire de l'année, on spécule, mais on ne sait pas tout comment c'est arrivé, dans quelles circonstances et tout. Alors, nous, on essaie de, selon les informations, là, d'apporter un jugement là-dessus, mais je pense que c'est plus complexe que ça, là. Mais écoutez, Jeff tantôt, Jeff Fillion, puis il avait un maudit bon point. Il dit, on n'entend pas parler depuis 24 heures, on n'entend pas parler de celui qui a causé le geste. C'est vrai, on parle plus de Joel Quenneville, on parle plus Ouais. de Jonathan Tate, on parle plus de Patrick Kane que de l'agresseur. Et ça, Oui, c'est puis. faut revenir à l'agresseur. C'est lui qui en fait qu'il faut qu'il paye pour ça. Exact. Lui, je sais sûrement là, que lui. On veut faire un show avec ça aussi. Hein. C'est toujours encore la même affaire, hein? Ben, tu sais, là, Danny, c'est ça qui arrive. C'est que là, présentement, là, on est dans une période Le show. de MeToo aussi, là, tu sais, où ce Ouais. que tout le monde dénonce. Puis c'est bien correct. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Sauf que. Il faut avoir un équilibre aussi entre on dénonce n'importe quoi, puis on dénonce quelque chose qui vaut la peine comme ça. Là, c'est des dossiers corrects, là. Mais il va falloir trouver un juste milieu à savoir jusque où, à quelle place qu'elle est tracée la ligne. Je pense que présentement, la société, on est en train de se tracer une nouvelle ligne de conduite. Et puis c'est correct, mais avant d'arriver au résultat final, là, je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience qui doit être faite. Tu penses-tu que Joel Quenneville, par son statut, parce que c'est un gros nom, va payer le prix? Je sais pas, Danny, comment la Ligue nationale va régler le Ouais, dossier. C'est un terrain trop glissant présentement pour prendre position là-dedans. Je pense par contre que les bons gestes sont posés présentement. Il y a une prise de conscience. Les Blackhawks ont avoué leur tort. La Ligue nationale prend le dossier très au sérieux. Toutes les équipes, je pense, vont avoir des meetings avec ces joueurs pour justement donner les nouvelles lignes de conduite. Alors, moi, je pense qu'on fait un pas dans la bonne direction, mais il reste beaucoup d'ouvrage à faire. Canadien, comment tu les as trouvés? C'était pénible à Seattle. Hein? C'était vraiment pénible à regarder. Ouais, mais tu sais, je suis allé au match samedi Ouais, à t'étais là, Montréal. Je suis allé j'ai vu voir, ça, ouais. ouais. Et puis, tu sais, ils ont très bien joué. Même que Détroit avait joué un bon match. Je pense que leur gardien n'a pas été à la hauteur. Mais ils ont vraiment bien joué les deux équipes. Mais là, tu t'aperçois que le match à Seattle, tu t'aperçois qu'il manque de leadership, qu'il manque un petit Un peu Weber, de. un Weber. Il manque. Oui, mais moi, j'ai de la difficulté un petit peu, Danny, avec ce dossier-là. Écoute, le gars, il est payé encore un 8-9 millions par année, peu importe. Le gars, il est chez lui. Tu sais, je dis pas qu'il n'a pas le droit d'aller chez lui, mais crime, t'es blessé, admettons. Tu dois essayer de revenir au jeu Parce qu'il si n'a pas t'es annoncé sa capable. retraite, ouais, ben Il c'est n'a pas ça. annoncé sa retraite. Fait qu'en principe, là, tu dois être à Montréal, tu dois être avec tes coéquipiers. Je pense que le Canadien ont probablement le meilleur staff de médecins qu'ils peuvent avoir. Alors, si le gars veut essayer de se guérir, il doit être à Montréal. En plus, il doit être à l'entour du vestiaire. On sait qu'il y a un manque de leadership. Alors, des gars comme Price et Weber devraient être à Montréal, devraient être à l'entour du vestiaire, devraient être dans le vestiaire, véhiculer un message, exercer encore leur leadership, même s'ils ne sont plus sur la glace. Et là, ben, qu'un soit à gauche, l'autre à droite, qu'à Montréal, ça aille mal, puis que tout le monde est payé, puis tout va bien. Il y a un petit manque présentement, je crois, de ce côté-là. Oui, effectivement, effectivement. Je veux te parler en terminant de Guy Lafleur. Ce soir, on va honorer Guy Lafleur par la Ligue Junior du Québec. Très beau geste. D'ailleurs, je comprends pas que ça n'a pas été fait avant, mais à quelque part, mieux vaut tard que jamais, puis qu'ils l'ont fait aussi de son vivant. Ça, faut quand même le voir. Faut quand même le noter aussi, là. Le faire de son vivant. Mais Guy Lafleur, il a de la magané. Je l'écoutais ce matin à Radio X, puis il a de la misère à parler. C'est sûr qu'il a des produits. Il fait de la chimiothérapie, puis ça paraît. Hein. Pauvre Guy. Écoute, moi C'est triste de j'ai. voir ça. C'est triste de. Ouais, écoute, Danny, moi j'ai été plus qu'un privilégié. Hein. J'ai eu la chance de jouer avec mon idole de jeunesse, Guy Lafleur, avec les Nordiques. J'ai développé une relation amicale avec ce gars-là. Puis aujourd'hui, je suis fébrile pour lui que la Ligue junior majeure l'honore de cette façon-là. Mais d'un autre côté, calique que je suis triste, Danny, de voir l'état de santé de Guy. C'est pas le fun. C'est pas le fun à voir. Tu sais, tu vois que, il prend toute l'énergie qu'il a pour essayer de rester droit. Parce que Guy Lafleur, on le connaît comme un gars, c'était droit comme un érable, comme on dit, comme un arbre. Puis là, ben, tu le vois faiblir. Tu vois vraiment que la maladie, le cancer, semble vouloir prendre le dessus sur lui. Alors, c'est des images qui sont difficiles à voir, mais d'un autre côté, c'est tellement un honneur mérité de son côté qu'on va focusser sur les réjouissances là, de ce soir pour l'événement qu'il va vivre. Mike Bossy aussi, qui est atteint du même Ah cancer. ouais, ah Mike ouais, Bossy, qui est un des meilleurs marqueurs. Hey, en terminant, j'ai un sujet que je veux te parler, je suis en train de t'oublier. Tu penses, toi, qu'Alexander Ovechkin, là, aurait joué dans les années 80? Ce qui fait actuellement, il va probablement battre le record de Gretzky, ou il sera tout proche, là. S'il aurait joué dans les années 80, ça serait déjà fait. Ben, c'est sûr que s'il avait joué dans ces années-là, tu sais, C'est tout un c'est marqueur. difficile, Ouais. Danny, de comparer les époques parce que, tu sais, il Mais. faut que tu dises, oui, tu as raison, mais si les joueurs, là, s'étaient entraînés comme ils s'entraînent aujourd'hui, les joueurs ne s'entraînaient pas. Les joueurs, maintenant, c'est des machines qui s'entraînent à l'année longue. Tu sais, il Mais faut que tu mettes ça en t'as un système de perspective. jeu. T'as un système de jeu que t'avais pas dans le temps. Tes gardiens sont beaucoup plus gros. T'as le style papillon. Il n'y a pas juste l'entraînement. Le style papillon a changé la donne d'un gardien de but. Les pads. Regarde les matchs des années 80. Les gardiens sont petits comparés aujourd'hui, là. Oui, mais mets Ovechkin qui joue avec des hockey comme on jouait dans le temps, avec des patins comme on jouait dans le temps, à pas s'entraîner comme il s'entraînait pas dans le temps. Tu sais, ça aurait été différent. Tu peux pas comparer les époques. Moi, je peux te dire une chose. J'ai joué avec Gretzky, puis Gretzky, il avait quasiment une bedaine là, quand il jouait là. Ah, fait ouais, que mets Gretzky le mieux qui se serait entraîné comme un Crosby ou un Subban s'entraîne aujourd'hui, si ces gars-là avaient été top shape comme les joueurs d'aujourd'hui, eux autres aussi auraient été encore plus dominants, là. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que c'est difficile de... Parce que c'est complètement changé. C'est plus pantoute les mêmes donnes. Aujourd'hui, ce sont des joueurs professionnels qui vérifient qu'est-ce qu'ils mangent, qui vérifient à se coucher, qui prennent des produits. Ça permet de la vie de se travailler à l'après-midi. Il y en a plusieurs dans les années 70 qui travaillaient sur Morrison. Ouais. C'est connu. Oui, alors, exact. Alors, oui, moi, je pense que c'est doublement impressionnant Ovechkin de la manière qu'il joue là, parce que il a marqué des buts aujourd'hui. Tu sais, un premier marqueur de la Ligue dans les années 80-90, il finissait avec minimum 150 points. Là. De 150 à 200 points, tu finissais premier scoreur de la Ligue. Maintenant, tu es rendu à 100 points et tu es le premier scoreur. Là. Ouais. Alors, c'est une réalité qui est différente, mais c'est sûr que c'est un exploit qui est remarquable. Si jamais Ovechkin vient de battre le record, parce que là on projette, Danny, que il va rester encore à 35 ans qui va encore marquer 50 buts, à peu près. T'as quoi? Oh, oui, mais là, ça va devenir plus difficile. Oh, il va avoir 37 ans, il va avoir 38 ans, il va avoir 39 ans. C'est plus la forme va diminuer aussi. Alors, ça va être un gros enjeu pour lui d'essayer de continuer à marquer 40-50 buts par année pour atteindre ce chiffre-là. Mais peu importe le nombre qu'il va atteindre, ça va être un exploit remarquable d'être capable de le faire dans les années 2000. Effectivement, donc c'est parfaitement d'accord. Mais on s'en parle la semaine prochaine. Ça fait plaisir, Daniel. Collaborateur.